la ndilo yembo ya kuyeyemba mini Zika na salila yona solo pena molimo Kwiti na mona yomu kolo wana Usai Na yembe longo na banshe Usai Moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Oh, Alléluia. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre des humains, moi je ne suis qu'un voyageur. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre, dans le monde, moi je ne suis qu'un passager. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Oh, Alléluia! Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Nani mi yes, nani mi yes, nani mi konsalila, yo mo kon. Hey, Baba, ngai na lingi yo, Yesu yo.